garde toujours l'espoir. L'Algérie, c'est notre mère. Elle est la terre de mon père et ma mère. Et c'est le soleil qui nous éclaire. Bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est un marabe. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile, se retrouver au Hebs. Halafi, autant dans des coups de graphique. J'suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'Elspa. Débrouillard, distar ça. C'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal. Ça semble interminable comme une djifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache par les trabes. Et je suis en tour ouvert aux critiques, photos. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. La rage est système, gros. Ramène du hardball, on se respecte, change de chaîne, quand y'a une scène haute, se tape. Rachid System, Mohamed en BM sous les routes, cabos c'est du bled. C'est ça le Rachid System, de cette poignée d'incompris, les traditions ancrées dans le cœur, dans le crâne. Les empreintes de mon bled m'imprègnent, la chaleur émane du sol, reste relié avec les zincs par taxiphone. Dédié aux vendeurs à la sauvette, au Tchekar où on roule encore en soleil. Pensez aux frérots au Moyen-Orient qui grandissent sous le bruit des roquettes. Enquête, encore plus de fois, faire honneur à la famille, c'est ce qu'on a en tête. Sans souci de regard des gens, on avance sans se plaindre, des fois par nécessité. Enfreint les lois pour ceux qui croyaient trouver une terre d'accueil, du port de Marseille jusqu'à Vitry, leur rachet système.